À l'occasion du 56e anniversaire du commencement par le camarade Kim Jong-il de la direction de la révolution de Sungun et du 68e anniversaire de la République populaire démocratique de Corée, le musée des beaux-arts à la ville de Almaty-Epsk de la République de Tatarstan de la Fédération de Russie a abrité le 23 août l'inauguration de l'exposition de livres, de photos et d'objets d'artisanat coréen. Y étaient exposées des photos des grands leaders Kim Il-sung et Kim Jong-il et du maréchal Kim Jong-un, et celles montrant leurs exploits. Toujours à l'occasion de la journée de Sungun, l'exposition de livres coréens a eu lieu à la ferme de Bakura de l'état de Zamfara, Nigeria, tandis qu'en Angola, la séance de lecture et la conférence à la Société du port de Robitou et au comité angolais d'amitié et de solidarité avec les peuples.